c'est pas humain. Se voiler ne sert à rien. Parce que si c'est pas humain, alors c'est quoi, putain? C'est pas humain, disent les gens, face aux actes dégoûtants. C'est pas humain, disent les gens, mais qui fait couler le sang? Qui fait couler le sang? Donc une conclusion s'impose, c'est que l'homme est inhumain. Une question alors se pose. C'est pas humain.